Chapitre 16. Remords. Outre qu'il était resté debout jusqu'à ce moment, Clément avait encore joint à son débit une pantomime et un accent parfois très énergique. Avant d'aller plus loin, il s'assit pour se reposer et reprendre haleine. Max, lui, n'avait pas plus remué qu'un marbre. Le sang s'était retiré de son visage. La sueur mouillait son front. Son regard, fiché en terre, avait l'inflexible roideur d'une balle échappée d'un fusil. Il semblait que la colonne d'air qui pesait sur ses épaules eût la densité du plomb. Dans son accablement, il ne songea guère à mesurer l'intervalle qui sépara l'instant où Clément s'était arrêté de celui où il reprit. « À présent, rappelez-vous ma feinte misère, ma conversion hypocrite, mon mariage avec Rosalie sous le patronage de la société Saint-François-Régis, ma place, mes travaux, mon aisance progressive, ma préoccupation de la justifier, de la prouver au besoin par mes livres, et vous aurez en même temps que l'intelligence de ma tactique l'explication de la plupart des scènes énigmatiques auxquelles vous avez assisté. Ce qui vous reste à savoir, ce que vous n'avez pu que pressentir, c'est ce que j'ai souffert, et ce que je souffre encore à cette heure. Par rapport au fait, je ne fus trompé dans aucune de mes prévisions. Tout se passa pour moi de la manière la plus rassurante. Si la valise et les 100 000 francs accusaient chez Tillard un projet de fuite, le corps intact, les 100 000 francs même, et mieux que cela une lettre adressée à sa femme, où il déclarait en termes ambigus que, compromis dans des spéculations malheureuses et impuissant à se relever, il se sentait incapable d'assister au spectacle de sa honte, parurent autant de témoignages irrécusables de son suicide. On se borna à conjecturer qu'au moment de passer à l'étranger, il avait été assailli par le remords et qu'il s'était tué pour s'y soustraire. Il n'y a donc pas à le contester. Habile autant qu'il se peut, favorisé à souhait par les circonstances, mon crime, aux yeux des hommes, n'était vraiment pas. Je n'avais à redouter ni soupçon ni enquête. Partant, d'après mes principes, je pouvais gager avec moi-même que rien au monde ne serait capable de troubler ma sécurité. Cependant, je bâtissais sur des mensonges. Au contraire, ce qui eut lieu, l'état où je suis réduit, tout tend à me faire croire que, dans une société purement formaliste, si la certitude de l'impunité y devient une source de scélératesse, cette impunité, la plupart du temps, n'est que fictive, et que le plus insigne scélérat, supposé qu'il soit assez adroit pour échapper au bagne ou à l'échafaud, peut encore trouver en lui-même un châtiment 1000 fois plus terrible que celui dont il se joue. Dans le principe, les bruits que je recueillais de droite et de gauche sur l'agent de change, les plaintes de ceux de ses clients qu'il réduisait à la misère, le désespoir de sa belle-mère et de sa femme, le tollé général contre lui, aidaient amplement à me rassurer, presque à m'absoudre. Sa lettre à Madame de Tranchant m'avait révélé une nouvelle et dernière infamie. Il pressait cette femme de tout quitter, mari, enfant, famille, il lui donnait rendez-vous à Londres. Il lui recommandait de ne pas oublier ses bijoux. Elle lui faisait passer dans les feuillets d'un livre 5 billets de 100 francs pour le cas où elle ne pourrait mettre aussi la main sur l'argent. J'ajouterai que la préoccupation de nous envelopper d'une ceinture impénétrable de mensonges, le soin d'organiser notre intérieur, notre assiduité dans les églises, les exigences de mon emploi, les préparatifs de notre mariage, ne nous laissaient guère le temps de songer au repentir. Mais ces jours de calme, qui nous semblait devoir toujours durer, passèrent pour nous avec plus de rapidité encore que dans un convoi à toute vapeur, les panoramas ne défilent sous les yeux. Cette quiétude fut troublée dès les premiers jours de notre mariage. À moins de l'intervention directe d'une puissance occulte, il faut convenir que le hasard se montra ici étrangement intelligent. Si merveilleux que paraisse le fait, vous ne penserez même pas à le mettre en doute, puisqu'aussi bien vous en avez la preuve vivante en mon fils. Bien des gens, au reste, ne manqueraient pas d'y voir un fait purement physique et physiologique, et de l'expliquer rationnellement. Quoi qu'il en soit, je remarquai tout à coup des traces de tristesse sur le visage de Rosalie. Je lui en demandai la raison. Elle éluda de me répondre. Le lendemain et les jours suivants, sa mélancolie ne faisait que croître. Je la conjurai de me tirer d'inquiétude. Elle finit par m'avouer une chose qui ne laissa pas que de m'émouvoir au plus haut degré. La première nuit même de nos noces, en mon lieu et place, bien que nous fussions dans l'obscurité, elle avait vu, mais vu, prétendait-elle, comme je vous vois, la figure pâle de l'agent de change. Elle avait épuisé inutilement ses forces à chasser ce qu'elle prenait d'abord pour un simple souvenir. Le fantôme n'était sorti de ses yeux qu'aux premières lueurs du crépuscule. De plus, ce qui, certes, était de nature à justifier son effroi, la même vision l'avait persécutée avec une ténacité analogue plusieurs nuits de suite. Je simulais un profond dédain et tâchais de la convaincre qu'elle avait été dupe tout uniment d'une hallucination. Je compris au chagrin qui s'empara d'elle et se tourna insensiblement en cette langueur où vous l'avez vue, que je n'avais point réussi à lui inculquer mon sentiment. Une grossesse pénible, agitée, équivalente à une maladie longue et douloureuse, empira encore ce malaise d'esprit. Si un accouchement heureux, en la comblant de joie, eut une influence salutaire sur son moral, ce fut de bien courte durée. Je me vis contraint, par-dessus cela, de la priver du bonheur d'avoir son enfant auprès d'elle, puisque par rapport à mes ressources officielles, une nourrice à demeure chez moi eût paru une dépense au-dessus de mes moyens. Ému de sentiments à figurer dignement dans une pastorale, nous allions voir notre enfant de quinzaine en quinzaine. Rosalie l'aimait jusqu'à la passion, et moi-même, je n'étais pas loin de l'aimer avec frénésie, car chose singulière, sur les ruines amoncelées en moi, les instincts de la paternité seule restaient encore debout. Je m'abandonnais à des rêves ineffables. Je me promettais de faire donner une éducation solide à mon enfant, de le préserver, s'il était possible, de mes vices, de mes fautes, de mes tortures. Il était ma consolation, mon espérance. Quand je dis moi, je parle également de la pauvre Rosalie, qui se sentait heureuse rien qu'à l'idée de voir ce fils grandir à ses côtés. Quelles ne furent donc pas nos inquiétudes, notre anxiété, quand à mesure que l'enfant se développait, nous aperçûmes sur son visage des lignes qui rappelaient de plus en plus celui d'une personne que nous eussions voulu à jamais oublier. Ce ne fut d'abord qu'un doute, sur lequel nous gardâmes le silence même vis-à-vis l'un de l'autre. Puis la physionomie de l'enfant approcha à ce point de celle de Tillard que Rosalie m'en parla avec épouvante, et que moi-même je ne pus cacher qu'à demi mes cruelles appréhensions. Enfin, la ressemblance nous apparut telle qu'il nous sembla vraiment que l'agent de change fut rené en notre fils. Le phénomène eut bouleversé un cerveau moins solide que le mien. Trop ferme encore pour avoir peur, je prétendis rester insensible au coup qu'il portait à mon affection paternelle et faire partager mon indifférence à Rosalie. Je lui soutins qu'il n'y avait là qu'un hasard. J'ajoutai qu'il n'était rien de plus changeant que le visage des enfants et que probablement cette ressemblance s'effacerait avec l'âge. Finalement, qu'au pis-aller, il nous serait toujours facile de tenir cet enfant à l'écart. J'échouai complètement. Elle s'obstina à voir dans l'identité des deux figures un fait providentiel, le germe d'un châtiment effroyable qui tôt ou tard devait nous écraser. Et sous l'empire de cette conviction, son repos fut pour toujours détruit. D'autre part, sans parler de l'enfant, quelle était notre vie? Vous avez pu vous-même en observer le trouble permanent, les agitations, les secousses chaque jour plus violentes. Quand toute trace de mon crime avait disparu, quand je n'avais plus rien à craindre absolument des hommes, quand l'opinion de moi était devenue unanimement favorable, au lieu d'une assurance fondée en raison, je sentais croître mes inquiétudes, mes angoisses, mes terreurs. Je m'inquiétais moi-même, avec les fables les plus absurdes. Dans le geste, la voix, le regard du premier venu, je voyais une allusion à mon crime. Les allusions m'ont tenu incessamment sur le chevalet du bourreau. Souvenez-vous de cette soirée où M. Durosoy raconta une de ses instructions. 10 années de douleur lancinante n'équivaudront jamais à ce que je ressentis au moment où, sortant de la chambre de Rosalie, je me trouvais vis-à-vis du juge qui me regardait au visage. J'étais de verre, il lisait jusqu'au fond de ma poitrine. Un instant, j'entrevis l'échafaud. Rappelez-vous ce dicton, il ne faut pas parler de cordes dans la maison d'un pendu, et 20 autres détails de ce genre. C'était un supplice de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les secondes. Quoique j'en eusse, il se faisait dans mon esprit des ravages effrayants. L'état de Rosalie était de beaucoup plus douloureux encore. Elle vivait vraiment dans les flammes. La présence de l'enfant dans la maison acheva d'en rendre le séjour intolérable. Incessamment, jour et nuit, nous vécûmes au milieu des scènes les plus cruelles. L'enfant me glaçait d'horreur, je faillis 20 fois l'étouffer. Outre cela, Rosalie, qui se sentait mourir, qui croyait à la vie future, au châtiment, aspirait à se réconcilier avec Dieu. Je la raillais, je l'insultais, je menaçais de la battre, j'entrais dans des fureurs à l'assassiner. Elle mourut à temps pour me préserver d'un deuxième crime. Quelle agonie! Elle ne sortira jamais de ma mémoire. Depuis, je n'ai pas vécu. Je m'étais flatté de n'avoir plus de conscience, de ne jamais connaître le remords. Et cette conscience, ces remords grandissent à mes côtés, en chair et en os, sous la forme de mon enfant. Cet enfant dont, malgré l'imbécilité, je consens à être le gardien et l'esclave, ne cesse de me torturer par son air, ses regards étranges, par la haine instinctive qu'il me porte. N'importe où que j'aille, il me suit pas à pas. Il marche ou s'assoit dans mon ombre. La nuit, après une journée de fatigue, je le sens à mes côtés, et son contact suffit à chasser le sommeil de mes yeux, ou tout au moins à me troubler de cauchemars. Je crains que tout à coup la raison ne lui vienne, que sa langue ne se délie, qu'il ne parle et ne m'accuse. L'Inquisition, dans son génie des tortures, Dante lui-même, dans sa suppliciomanie, n'ont jamais rien imaginé de si épouvantable. J'en deviens monomane. Je me surprends dessinant à la plume la chambre où j'ai commis mon crime. J'écris au bas cette légende. Dans cette chambre, j'empoisonnais l'agent de change, Tillard du Cornet, et je signe. C'est ainsi que dans mes heures de fièvre, j'ai détaillé sur mon journal à peu près, mot pour mot, tout ce que je vous ai raconté. Ce n'est pas tout. J'ai réussi à me soustraire au supplice dont les hommes châtient le meurtrier. Et voilà que ce supplice se renouvelle pour moi presque chaque nuit. Je sens une main sur mon épaule et j'entends une voix qui murmure à mon oreille « Assassin !» Je suis mené devant des robes rouges. Une pâle figure se dresse devant moi et s'écrie « Le voilà !» C'est mon fils. Je nie. Mon dessin et mes propres mémoires me sont représentés avec ma signature. Vous le voyez, la réalité se mêle au songe et j'ajoute à mon épouvante. J'assiste enfin à toutes les péripéties d'un procès criminel. J'entends ma condamnation. Oui, il est coupable. On me conduit dans une salle obscure où viennent me joindre le bourreau et ses aides. Je veux fuir, des liens de fer m'arrêtent et une voix me crie « Il n'est plus pour toi de mes miséricordes ». J'éprouve jusqu'à la sensation du froid des ciseaux sur mon cou. Un prêtre prie à mes côtés et m'invite parfois au repentir. Je le repousse avec 1000 blasphèmes. Demi-mort, je suis cahoté par les mouvements d'une charrette sur le pavé d'une ville. J'entends les murmures de la multitude, comparables à ceux des vagues de la mer, et au-dessus les imprécations de 1000 voix. J'arrive en vue de l'échafaud. J'en gravis les degrés. Je ne me réveille que juste à l'heure où le couteau glisse entre les rainures. Quand toutefois mon rêve ne continue pas, quand je ne suis pas traîné en présence de celui que j'ai voulu nier, de Dieu même, pour y avoir les yeux brûlés par la lumière, pour y plonger dans l'abîme de mes iniquités, pour y être supplicié par le sentiment de ma propre infamie. J'étouffe, la sueur m'inonde, l'horreur comble mon âme. Je ne sais plus combien de fois déjà j'ai subi ce supplice. J'ai recours à l'opium, mes douleurs en combattent les faits, et rien n'est plus atroce que cette lutte de la souffrance contre les fatigues du corps. Et il n'y a pas à prétendre que je puisse me soustraire à cela. Je ne puis pas mourir. Que deviendra mon enfant? Il me possède, je suis sa proie, sa bête de somme. Il tient ferme dans sa main les rênes du mort que j'ai à la bouche, et par instant il tire à me faire hurler. En d'autres termes, il me rive à la vie. Il cloue mes membres sur cette terre, pour que le remords puisse, à l'aise, dévorer et redévorer mon cœur, mes entrailles. Ce n'est rien encore. Au lieu de dormir, souvent je me lève. Comme un fantôme, j'erre à travers les rues. Je gagne les champs. Je vais m'asseoir dans quelque endroit écarté. Les millions d'étoiles qui émergent dans l'espace me semblent autant d'yeux fixés sur moi. Et je courbe honteusement la tête. Le front dans les mains, en dépit de moi-même, je me recueille, je plonge dans le passé. Je reconstruis la chaîne de mes idées et de mes actions. À ces ressources se mêlent comme autant de voix qui m'accusent, me maudissent, les bruissements des arbres et des herbes, les hurlements lugubres des chiens. Ces bruits s'enflent graduellement et prennent les proportions d'une tempête. Glacé de terreur, je me dresse. Un cercle de spectres hideux danse autour de moi, remplissent mon oreille de cris sauvages, déchirent ma chair de leurs griffes. Trop robuste pour perdre connaissance, je suis sans force pour fuir, et je dois endurer ce supplice jusqu'à l'heure où l'hallucination m'abandonne, de guerre lasse sans doute. Voilà mon existence. Vous voyez jusqu'à quel point elle est horrible. Eh bien, je n'aspire qu'à souffrir encore plus. Ah, que je rende 20 yeux pour un œil, 20 dents pour une dent. Mais que je périsse une fois, que mon corps soit la pâture des vers, et qu'enfin je connaisse le repos de la mort. » Clément se tut. Il n'ajouta plus rien. Un long et funèbre silence eut lieu. Après ce qu'il venait d'entendre, rempli des sentiments les plus douloureux, muet d'ailleurs à force d'épouvante, Destrois n'avait pas un mot à dire. Il se leva et, avec une profonde irrésolution que dénotait son pas mal assuré, se dirigea vers la porte. Clément, pleurant et sanglotant pour ainsi dire, sans pleurs ni sanglots, livide et flasque, affaissé sur lui-même, agonisait, en quelque sorte, comme ses condamnés en proie déjà à la mort, avant même que le couteau ait touché leur tête. Au moment de passer le seuil, Max, qui se détourna et vit ce spectacle, ne put se défendre d'un mouvement de pitié. À cet homme, son ami tant d'années, et dont la vue actuellement ne pouvait plus lui causer que de l'horreur, il jeta, avant de disparaître, un long regard de commisération. Destrois quitta Clément pour ne jamais le revoir. Courbé sous le poids des plus effroyables confidences que puissent ouïr des oreilles humaines, le pauvre Max, marchant devant lui, gagna la campagne et y erra longtemps au hasard. La mélancolie et l'amertume gonflaient sa poitrine. Il étouffait, les yeux lui faisaient mal, et la solitude, où il cherchait un allègement, augmentait encore son malaise. De détour en détour, un besoin instinctif de consolation le conduisit, sans que sa volonté y fût pour rien, jusque chez Madame Tillard, effrayée en le voyant tout défait. « Mon Dieu, mon ami, lui demanda-t-elle avec inquiétude, que vous est-il arrivé ?» À demi suffoqué, Destrois s'agenouilla aux pieds de son ami et embrassa ses genoux avec fièvre, puis levant vers elle un visage baigné de larmes et un œil étincelant de passion. « Oh, madame, s'écria-t-il, que je vous aime !» À cet élan passionné, qui trahissait une incommensurable douleur, Madame Tillard, oubliant même d'être curieuse, sentit, elle aussi, l'émotion l'envahir, et les pleurs monter à ses yeux.